la démarche nonchalante, pourtant je suis pressé moi. J'avance avec du poison dans le réservoir. J'ai la phobie des travelots et des faux business. Je veux que les miens soient pépères et qu'ils puissent profiter. Ça fume les bédos vite fait, ça parle de plan mixté. Mais quand on finit les bouteilles, man, faut pas nous inviter. Dans la ville, y'a des remplaçants et des capitaines. Moi j'esquive l'entraînement, je suis réformé militaire. Monsieur B, j'ai lâché l'époque, du spliff au réveil. Je garde mes secrets discrets, comme un kit oreillette. Mes cousins, y'a de la rancune au fond de mon armoire. Et le soir sous le préau, c'est barre de rire et des arrois. Un paquet d'armes dans mon ardoise, j'en ai marre de 10. Ça bouche les trous de budget avec une plaque de shit. On cicatrise nos plaies avec un pack de binge. Et les toxiques, on s'embrouille pour un pack de pills. Dans mon coin, y'a de la if et du mal de vivre. Les pales mal s'éventent, je traîne avec pas mal de types. Ça carnasse à business avec le sourire aux lèvres. Mauvais élèves, mais diplômés, donc les proches les emmerdent. Je veux brasser l'oseille sans faire le gigolo. Wesh ma gueule, maintenant faut se foncer au whisky pour rigoler. Gyrophare dans le dos, on cavale comme à ton Bolton. Si ça va vite en 2-3 heures, je fais Genève Boston. Te demande pas pourquoi, je ne laisse pas de pourquoi. Le vice nous pourchasse, pour ça qu'on fait des pistes sales. C'est le fiasco à chaque fois que je m'ambiance con. Je vois que les coins sombres et consument les joints de con. Je traîne pas en boîte de nuit, les salopes aiment boire mon lait. Les michetons en boîte Gucci, je les repère à 10 000 mètres. Les sorties d'un pilon roulé, je les pif ton cousin. Une plaquette sous la jaquette et je les pige. Jacté, légal ou illégal, le remplir le portefeuille, MP3 dans les oreilles ou mon cauchemar sous l'oreiller. Je veux que mes dents croquent dans la grosse galette. Je veux troquer les mains dans ton poignet par une Rolex en or plaqué. Je me décompose à la lumière et j'affectionne les derniers quarts de lune. Parle pas de plus passagère, man, c'est l'éclipse quand les comètes fument. On pente sur les poupées russes, la fraise près des testicules. On penche pour les pimpets, je collectionne les sales habitudes. Une petite canette pour la stimulation, un tarpé pour la collation. Mes démons m'attaquent au harpon, au diapason de personne. Moi j'ai pas l'humeur d'un pinson, toujours une farce pour les dindons. Trop speed pour le marquage au caleçon. Je mets du chewing-gum dans les parcs aux maîtres. Mon futur me klaxonne, la school me donne la varicelle. Ça refourgue des somnifères, la rock en school des marqueurs. Mon actif, un tas de masques, la tige mon copilote. Mais je perds le fil des épisodes. Mes poches font un sang d'encre, donc je racle le désinfectant. Le cratère sur la peste et l'essence, les boulettes cachent les survêtements. Du silex sous mon pull au vert, je traverse banquise et des serpents. Pousse mon coude sur ta tombe, graille le pain sur ta planche, on tasse les culs d'oinge dans le cendrier. On revend les graines aux pigeons quand la récolte est avariée. Entre plâtre et lessive, la mâche en squat les assiettes. On met à sec les glacières, du pollen sur les grandes arêtes.